Être debout pour se rassurer, pour être confiant, pour la sérénité, pour ne plus avoir peur, voir la beauté, pour ne plus être triste, se sentir aimé, désiré. J'aurais besoin d'un ange gardien pour enfin qu'il me tienne la main. Je suis un passager qui a peur d'exister, se sentir un minimum important, à sentir un peu d'importance. À sa place sur terre, dans ce système stellaire, j'ai peur de moi, j'ai peur de toi, j'ai peur de nous, que ça n'aille pas. J'ai peur d'être blessé, le cœur brisé. J'ai peur d'être plus triste que je n'ai été. J'ai peur d'être mal et ne plus savoir gérer, sentir son importance dans la cadence. Un jour un être doué de sens pour en comprendre hier ce que j'ai expliqué sur notre terre, sur notre planète. Les humains, toutes ces mises en place par le seul présent de la vie, nous n'avons pas même permis que de marquer la matière contre cette substance de pièces de milliers. Pas pu réussir à être généreux, tout simplement à faire pour le bonheur, fabriquer pour aimer, donner chacun de son côté humain. Pour nous s'aimer et non se tuer, laisser la vie où elle est, corriger les amours imparfaits, faire de là un monde de paix. Les humains sont menacés, ils sont connectés à des mondes illustrés. Leurs âmes sont rouillées, ne sont plus ils ne sentent plus leur organe dispersé, ne font plus la communion avec l'éternité. J'ai peur d'être blessé, le cœur brisé. J'ai peur d'être plus triste que je n'ai été. J'ai peur d'être mal et de ne pas savoir gérer, sentir son importance dans la cadence. Sentir son importance dans la cadence. Sentir son